Certains de ses partisans l'appelaient « Monsieur Dynamo ». Une façon de rendre hommage à son inlassable activité en faveur du tiers-monde et des peuples opprimés. Cet homme, c'était Ben Barka. Et un demi-siècle après sa disparition, on s'interroge toujours. Si l'on sait de façon quasi certaine qu'il a été tué par des compatriotes agissant au nom du pouvoir marocain, on ne sait pas dans quelles circonstances et on ignore ce qu'est devenu sa dépouille. Mais très récemment, des informations en provenance d'Israël semblent éclaircir tous ces points. Et M. X n'est guère étonné, car déjà, lors de précédents entretiens, mon interlocuteur m'avait laissé entendre que des agents israéliens avaient joué un rôle dans cette mystérieuse affaire. Et bien sûr, nous allons ensemble y revenir. Mais, coïncidence, M. X avait choisi d'évoquer l'histoire emblématique d'un dirigeant qui était une pièce indispensable dans le dispositif anticolonialiste que mettait en place Ben Barka au sein de ce que l'on nommait dans les années 1960 la tricontinentale, c'est-à-dire une organisation des dirigeants des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine décidée à conduire une action concertée contre l'impérialisme occidental. Cet homme, c'était le président ghanéen Kwame Nkrumah, le chantre du panafricanisme, un éminent personnage qui, à l'instar de son ami Ben Barka, était lui aussi l'une des bêtes noires des puissances occidentales qui soupçonnaient la tricontinentale de rouler en réalité pour le bloc de l'Est. Nkrumah, Ben Barka et les autres étaient donc des cibles naturelles pour les services secrets de l'Ouest. Freedom, Ghana, land of freedom. Toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. Kwame, the star of Ghana, Nkrumah, star of Ghana, everybody, toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom, everybody, toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. Rendez-vous avec X. On l'a un peu oublié, mais le Ghanéen Nkrumah a joué un grand rôle dans l'histoire africaine. Et il reste un symbole à l'image d'un Lumumba ou d'un Sankara. Mais je vais vous le prouver, car incontestablement, Nkrumah a été un visionnaire. Mais attendez, vous vouliez aussi évoquer l'affaire Ben Barka. Et ce n'est pas un hasard, car le Marocain a été un compagnon de combat du Ghanéen. Alors d'abord un mot sur cet apparent rebondissement dans le mystère Ben Barka. Oui, un rebondissement qui vient d'Israël. Exactement. Il est le fait de deux journalistes israéliens qui ont puisé aux meilleures sources. Ouais, c'est-à-dire dans les archives du Mossad. Oui, et ici je ne veux pas paraître immodeste, mais j'ai retrouvé dans mes propres archives ce que je vous disais lorsque nous avons parlé de Ben Barka et de l'éventuelle implication d'agents israéliens dans sa disparition. Écoutez. En échafaudant ce plan, les Marocains se sont inspirés de l'opération conduite par les Israéliens lorsqu'ils ont capturé Eichmann en Argentine. C'est si vrai qu'ils ont vraisemblablement demandé au chef du Mossad de leur donner un coup de main. Ah oui, et celui-ci aurait répondu positivement? Selon des sources israéliennes, oui. Le Mossad aurait même proposé aux Marocains de mettre à leur disposition un appartement qui aurait servi de planque en attendant le transfert de Ben Barka. Oui, c'est l'une des informations rendues publiques par ces deux journalistes israéliens. Ah, mais il y en a d'autres que j'avais moi aussi esquissé, et qui prouvent indubitablement que le Mossad a une importante responsabilité dans la disparition de Ben Barka. Quoi, par exemple ? J'y viendrai, je vous le promets. Mais d'abord parlons du sujet du jour, Kwame Nkrumah. C'est d'une réhabilitation dont il s'agit, hein ? Bah, pourquoi pas ? Parce qu'à mon sens, ce dirigeant africain le mérite, même si, à la fin de son règne, il a malheureusement cédé aux sirènes du despotisme. Mais, bah, comme tant d'autres leaders indépendantistes sur le continent africain. Hein. Vous avez hélas raison. Et je ne passerai pas sous silence cet aspect désolant de son évolution politique. Un bémol, quand même. Nkrumah, s'il a gouverné son pays en dictateur, n'a pas sombré dans la tyrannie sanguinaire qui a sévi dans d'autres États africains. Mais pour commencer, avant de parler de l'homme, un mot sur son pays, le Ghana, la Côte d'Or, comme on l'appelait autrefois au temps des colonies. Et ce sont les Portugais qui lui ont donné ce nom au XVe siècle lorsqu'ils l'ont découvert. Oui, à cause de sa richesse en or. À sa principale ressource naturelle à l'époque, l'or, qui a alors participé à la prospérité économique de cette colonie située en bordure du golfe de Guinée. Mais à la fin du XIXe siècle, ce sont les Britanniques qui s'emparent de ce territoire et exploitent ses autres ressources minières, diamants et bauxites. Mais surtout, ils font de leur colonie la première productrice et exportatrice mondiale de cacao. Pour Londres, c'est alors une colonie modèle. Oui, riche et sans problème. C'est à peu près ça. Et ici, il faut observer une particularité du système colonial britannique, contrairement à la pratique française. Il est laissé aux indigènes une certaine autonomie politique qui permettrait, au moins en principe, un transfert progressif du pouvoir. Jusqu'à l'indépendance ? N'exagérons pas quand même. Hein. Les Anglais avaient d'ailleurs trouvé une belle formule pour exprimer leur politique coloniale. Ils appelaient ça « give and keep ». Oui, « give » pour donner. Et « keep » pour garder. Donc, on accordait les apparences de la souveraineté aux colonies. Mais en réalité, on préservait l'essentiel de la domination coloniale sur les plans économiques, financiers, militaires et sécuritaires, culturels et linguistiques. Et sans empiéter sur la suite de cet entretien, je peux vous dire que ces calculs hypocrites seront mis en échec par Nkrumah. Mais n'allons pas trop vite. C'est ce que vous le dites. Toutefois, il faut le reconnaître, cette politique de Londres s'est traduite dans quelques pays par une décolonisation globalement non violente dans le cadre du Commonwealth. Et donc de l'allégeance à la couronne britannique. Toutefois, dans d'autres colonies, ça n'a pas fonctionné. Au Kenya, par exemple, où la répression des Mau Mau a été particulièrement violente, comme nous l'avons vu assez récemment. Autre spécificité de la Côte d'Or britannique, dans les régions agricoles du Nord, en territoire Ashanti, l'autorité des chefs traditionnels s'est peu à peu substituée à celle des fonctionnaires coloniaux. Conséquence, des agents indigènes, après avoir été scolarisés, ont été recrutés. Et dans le reste du pays, alors ? Au sud, c'est-à-dire la côte, administrée directement par les autorités britanniques, on a observé un développement économique rapide, un taux d'alphabétisation important et donc l'émergence d'une élite diplômée qui est allée étudier en Europe ou aux États-Unis, avec un revers évident pour le colonisateur. Ah oui, la progression des idées nationalistes. Ah oui, qui précipite l'évolution politique du pays. Dès 1951, la colonie accède à l'autonomie politique et Nkrumah est appelé à diriger le gouvernement. Une première pour un dirigeant africain. Et 6 ans plus tard, sous le nom de Ghana, la Côte d'Or accédera à l'indépendance. Mais dans le cadre du Commonwealth. Oui. Hein. Alors c'est le moment d'évoquer le parcours exceptionnel de ce pionnier Nkrumah. Il est né en 1909 dans une agglomération du sud-ouest de la colonie. Il passe ses premières années au village avec sa mère. Puis il rejoint son père, qui vit sur la côte, à la frontière de la Côte d'Ivoire française. Il y fréquente une école tenue par les jésuites. Et généralement, on considère qu'on y acquiert une bonne formation pour qui veut faire de la politique. En tout cas, le jeune Nkrumah est doué. Dès 1926, il est recruté en tant que maître assistant dans une école normale secondaire qui vient d'ouvrir dans la banlieue d'Accra. Accra, c'est la capitale. Hein. Cette nouvelle école, c'est un peu la vitrine de l'excellence britannique en Côte d'Or. Et elle représente une voie royale pour les Ghanéens qui veulent accéder aux universités. Oui, à l'étranger. Oui, Kwame reçoit alors l'enseignement d'un pasteur méthodiste africain influent et érudit. Kweger Egri, qui est aussi l'un des premiers Africains à avoir été formé dans une université états-unienne. Par son intermédiaire, le jeune homme participe à des cercles de lecture et de débat. Et il rencontre les principales figures du nationalisme qui commencent à émerger. Il découvre en particulier les textes des leaders du panafricanisme, l'afro-américain Dubois et le jamaïcain Carvey. Le panafricanisme, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est alors un mouvement politique relativement récent qui prône la solidarité entre tous les Africains où qu'ils se trouvent. C'est-à-dire sur les continents africains et américains. Oui. Et vous le verrez, c'est la grande idée qui va animer la future action politique de Nkrumah, qui rêvera même de la constitution d'une grande fédération africaine. Des États-Unis africains, en somme. Exactement. N'allons pas trop vite. Nkrumah fait alors une rencontre décisive, celle d'un journaliste nigérian, le futur président Azi Kiwe. Celui-ci lui conseille d'aller aux États-Unis plutôt qu'en Grande-Bretagne pour poursuivre ses études. Mais pourquoi ce choix, là ? Pour ce Nigérian, c'est en Amérique que le jeune homme pourra s'identifier aux Noirs états-uniens, qui, tout comme les Africains, souffrent de discrimination, mais ne se résignent pas, et s'engagent au contraire dans leur courageuse lutte pour la dignité et la liberté. Alors Nkrumah se rend effectivement aux États-Unis ? En 1935, oui. Il s'inscrit à l'université Lincoln en Pennsylvanie. Mais les premiers temps sont difficiles. Il est obligé d'effectuer de nombreux petits boulots pour vivre et payer ses études. Toutefois, heureusement, il trouve un poste de chargé de cours en théologie et philosophie. En théologie ? Nkrumah n'a pas oublié son éducation religieuse. Pas encore, en tout cas. Mais je poursuis. Il parfait ensuite sa formation en sciences de l'éducation à la faculté de Philadelphie. Parallèlement, il observe la condition de vie des Noirs américains. Les États du Sud sont alors toujours ségrégationnistes. Oui, ça ne l'empêche pas d'obtenir de brillants résultats universitaires. En 1939, licencié en économie et en sociologie, il obtient un poste de chargé de cours à la faculté de Philadelphie, ce qui lui permet de consacrer plus de temps au militantisme. Nkrumah fonde l'Association des étudiants africains des USA et du Canada et crée un journal. Il représente aussi la Côte d'Or lors de la conférence sur le colonialisme organisée par l'Association nationale pour l'avancement des gens de couleur. Il s'agit là de la plus importante association de Noirs afro-américains. Et la première, quoi qu'il en soit. Quand en mai 1945, il débarque à Londres pour poursuivre ses études de droit, il est déjà fort d'un solide bagage idéologique qui se résume en une triple conviction. Son combat sera désormais celui de l'anticolonialisme, du panafricanisme et du socialisme. Mais passe-t-il à l'action ? Oui. En Angleterre, il a une intense activité militante au sein de la diaspora noire. Adhérent du syndicat des étudiants d'Afrique occidentale, il rencontre de nombreux futurs leaders indépendantistes, tels le Kenyan Kenyatta, le Zambien Konda ou encore le Tanzanien Nyerere. En même temps, il ébauche une longue collaboration avec le Trinidadien George Padmore, qui est alors le leader du mouvement panafricaniste. Mais sa voie est tracée alors. Et le conduira jusqu'au sommet. À quoi ressemblait Kwame Nkrumah ? J'ai trouvé ce portrait brossé dans un article du Monde par le spécialiste de l'Afrique, Philippe de Crène. Le front large et en partie dégarni, le nez légèrement épaté, la bouche remarquablement dessinée, ouverte sur des dents éclatantes de blancheur, Kwame Nkrumah avait des gestes calmes et assurés. Tout en lui exprimait la mesure, la force et un certain magnétisme. De taille légèrement supérieure à la moyenne, il avait une allure majestueuse qui impose le respect. Parfois sanglé dans une stricte tunique grise à col Mao, inspirée du bleu de chauve des communistes chinois, sous laquelle il dissimulait, dit-on, une cotte de maille, il portait plus rarement un costume européen de coupe sobre. Mais la tenue qu'il affectionnait plus que tout autre, c'était le kente, toge précieuse faite de l'assemblage minutieux d'étroites et longues bandes de coton tissé, dont les dessins, qui varient à l'infini, revêtent une signification aussi ésotérique que ceux des plaids qu'arborent les clans des Highlands d'Écosse. Portée comme la toge romaine, cette robe, qui a la faveur des populations littorales de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo, laisse l'épaule et le bras droit découverts et donne grande allure à ceux qui s'en drapent. Rendez-vous avec X. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Nkrumah devient donc un propagandiste infatigable de l'idée panafricaniste. En 1946, il se trouve par exemple à Paris, où il tente de rallier à son projet des États-Unis socialistes d'Afrique, les Africains francophones. Il discute donc avec les leaders noirs qui viennent d'être élus à l'Assemblée nationale. Ouais, Senghor ou Fouad Boigny. En particulier. Ouais. Et quelle est la réaction de ceux-là, alors? Ben, ils sont plutôt ouverts à l'idée d'édifier un bloc ouest-africain, mais pas tout de suite. Ah oui, ça leur semble prématuré. D'autant qu'ils sont loin d'avoir coupé leur lien avec la métropole. Et que certains, comme Oufouette, n'en ont même pas très envie. Vous avez raison. Mais il en faudrait plus pour décourager Nkrumah. Il revient dès l'année suivante à Paris, où il s'entretient avec des représentants du Parti communiste et les dirigeants du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Oui, où l'on trouve les leaders là que vous avez déjà cités. Mais avec quel résultat? Ouf, ces gens sont trop divisés. Et puis surtout, il y a la pression de l'État français qui est encore résolument hostile à tout projet indépendantiste et panafricain, aux fortes relances socialo-communistes. Quoi, c'est la peur de la contagion? Bien entendu. Et encore une fois, il faut observer la différence de politique coloniale entre Londres et Paris. Bon, n'entre pas dans le détail, mais la France veut bien envisager une forme de décolonisation, à condition de préserver les institutions coloniales et de ménager les intérêts des élites africaines. Ouais. Bref, une fiction de décolonisation. Alors, de guerre lasse, Nkrumah revient chez lui. Après une très longue absence, donc. À plus de 10 ans, oui. Mais il y a malgré tout acquis une grande notoriété à cause de ses écrits et des rencontres internationales auxquelles il a participé. À peine arrivé, il est donc sollicité par l'élite des planteurs et des chefferies traditionnelles, qui désire être davantage associé à l'exercice du pouvoir. Mais il prend aussitôt conscience des difficultés qui l'attendent. Il n'existe pas de véritable formation politique. Et les organisations existantes sont de nature purement ethnique. Ce qui conduit à des chamailleries que vous pouvez imaginer. Alors que peut-il faire? Et on lui confie le poste de secrétaire général d'un nouveau parti, la Convention unie de la Gold Coast, qui revendique la direction d'un gouvernement autonome. Mais Nkrumah se rend vite compte que ce mouvement ne représente que les élites libérales et anglicisées de la côte. Des élites qui, en outre, sont médiocrement intéressées par la décolonisation. Ouais, ça ne correspond pas aux aspirations de Nkrumah. Aussi, décide-t-il de transformer le mouvement en parti de masse. Et il se lance dans une grande campagne en faveur de l'indépendance. Il multiplie les tournées dans tout le pays, crée 3 journaux et une organisation de jeunesse, ouvre des bureaux du parti sur tout le territoire. C'est un activisme qui doit commencer à inquiéter le pouvoir colonial. Forcément, d'autant qu'à partir du début de l'année 1948, la rue commence à manifester. Et d'abord pour protester contre le coût de la vie. À Accra, un officier britannique tire au fusil sur une marche d'anciens combattants qui se dirige vers le siège du gouvernement colonial. 3 vétérans sont tués, et ça dégénère en émeute. Des magasins d'Européens ou de Libanais sont pillés. On va relever dans la capitale 20 morts et plusieurs centaines de blessés. Et la répression suit. Avec quels effets? Nkrumah et 5 de ses compagnons sont arrêtés et jetés en prison. Ils vont y rester 2 mois. Il faut noter que l'élite du pays se détourne alors de Nkrumah. Il est jugé trop radical et donc responsable de la dégradation de la situation. Aussi est-il démis de ses fonctions au sein de son propre parti, où il est rétrogradé au rang de trésorier. Mais il va rebondir. Évidemment. dès sa libération, Nkrumah rallie les enseignants et étudiants qui ont été chassés par le colonisateur des établissements scolaires où ils enseignaient et étudiaient. À cause de leurs opinions politiques. Hein. Nkrumah crée, avec ses propres deniers, le Ghana College pour les accueillir. C'est un franc succès. Il fonde aussi un comité d'organisation de la jeunesse, revendiquant l'indépendance. Quitte son parti, décidément trop tiède, et crée en 1949 le CPP, le Parti de la Convention du Peuple, qui revendique immédiatement un gouvernement autonome et se tourne résolument vers les milieux populaires. Et quelle stratégie adopte-t-il ? Nkrumah opte pour l'action non violente. Ah oui, à l'exemple de Gandhi. Exactement. Ce qu'il appelle l'action positive, c'est-à-dire un harcèlement incessant des autorités coloniales. Et justement alors, comment celles-ci réagissent-elles ? Par de timides réformes institutionnelles. Mais ça ne suffit pas à apaiser les esprits, car Nkrumah augmente la pression. Fin 1949, le mouvement de Nkrumah installe à Accra une assemblée représentative du peuple et lance une campagne de désobéissance civile qui paralyse la colonie. Conséquence, il est à nouveau arrêté pour incitation à une grève illégale et sédition. Et cette fois, il est condamné à 3 ans de prison. Ah, et la répression se durcit. Oui et non. Car parallèlement, l'administration britannique prend conscience de la popularité de Nkrumah. Elle tente donc une ouverture politique. Une nouvelle constitution est promulguée qui prévoit l'élection d'une assemblée législative de 80 députés, parmi lesquels 75 sont réservés à des Africains. Oui, mais Nkrumah est toujours en prison. Certes, mais il profite d'une particularité du système colonial britannique qui permet à un prisonnier de se présenter à des élections s'il n'a pas été déchu de ses droits juridiques. Et il est donc candidat. Et lors des premières élections de février 51, il triomphe. À Accra, il obtient 95% des suffrages. Et dans le reste de la colonie, il en est de même pour son parti, le CPP. C'est embarrassant pour l'administration britannique. Hein. Eh oui, qui est pratiquement obligée de le gracier. Libéré, Nkrumah est aussitôt nommé à la tête du gouvernement. Un joli retournement de situation. Et va-t-il immédiatement exiger l'indépendance ? Non. Il est beaucoup plus prudent et opte pour une politique du compromis. Je vous explique. Il a décidé, au moins provisoirement, de mettre en sourdine son intransigeance. En réalité, il ne veut pas effrayer les autorités britanniques. Bien au contraire, il veut les amadouer. Et comment vous expliquez cette docilité ? Nkrumah ne veut pas mettre les charrues avant les bœufs. Avant d'exiger l'indépendance, il se donne le temps de comprendre les rouages d'une future souveraineté, assimiler tous les dossiers techniques et le fonctionnement de l'administration. Oui, il apprend donc à gouverner. C'est ça. En même temps, il doit composer entre des masses populaires, paysans et ouvriers, et la bourgeoisie locale qui travaille en étroite collaboration avec des entreprises commerciales occidentales. Il doit aussi tenir compte des disparités économiques et géographiques. Il voit même surgir dans le riche pays Ashanti, où se concentre la production du cacao, un parti contestataire animé par d'anciens amis à lui. Il lui faut donc manœuvrer de façon habile. Hein. Et Nkrumah s'en sort plutôt bien. Pour neutraliser ses compatriotes favorables aux Britanniques, il met la main sur le syndicat qui les représente. Et en même temps, sur sa gauche, il exclut les militants les plus radicaux de son parti. Parce qu'il craint que leurs éventuels débordements ne poussent les autorités britanniques à revenir en arrière. Ah, il y a une politique coloniale répressive. Hein. Oui, et bientôt Nkrumah reçoit la récompense de son habileté manœuvrière. En mars 1957, l'indépendance du Ghana est proclamée. Le Ghana, et pourquoi ce nom ? C'était celui du royaume précolonial. Et la date, le 6 mars, je crois, n'a pas été choisie au hasard. C'était le 6 mars 1844 que la Grande-Bretagne avait établi les bases de sa domination coloniale. C'est donc une parenthèse de 113 ans qui se referme. Et on va assister à ce spectacle insolite. Au cours des cérémonies de l'indépendance, la reine Elisabeth danse dans les bras de Nkrumah. Attends, qu'est-ce qui est insolite ? Qu'elle danse ou que ce soit dans les bras d'un noir ? Ça fait vraiment très mauvais esprit, mon cher. En tout cas, cela montre qu'il s'agit d'une décolonisation exceptionnelle. Oui, pour le continent africain, car Londres a déjà accordé son indépendance à l'Inde. C'est vrai. En tout cas, du point de vue de Londres, ça commence très bien. le turbulent Grouma semble s'être rangé. Il se révèle même comme étant un très bon élève du camp occidental. Il a oublié son marxisme. Ou il l'a bien dissimulé. Un bon élève, a dit Monsieur X, et d'abord parce que Nkrumah pense à sa grande mission, la construction du panafricanisme. Mais ça ne va pas sans difficulté à l'intérieur du nouveau Ghana. Explication. Dans cet extrait du livre d'Amzat Boukhari Yabara, Africa Unite, une histoire du panafricanisme. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Nkrumah affine sa vision d'une unité continentale qui servira de base au moment de plaider pour la mise en place des États-Unis d'Afrique. Le Premier ministre, qui veut une constitution où le gouvernement central et unitaire a le dernier mot, comprend qu'il doit être en mesure de maintenir la richesse du pays Ashanti à l'intérieur de l'ensemble national pour avoir une assise électorale suffisante. En revanche, maintenir la monoculture du cacao propre à une région revient à perpétuer un système qui rend tout le pays encore plus dépendant de ceux qui contrôlent le secteur du cacao. Cela renforce également le poids économique et politique du régionalisme. Enfin, développer la production de cacao revient à accroître la dépendance du Ghana aux importations alimentaires et donc à creuser la dette extérieure. Dans l'histoire du nouveau Ghana, on observe donc une première période, au moins jusqu'en 1961, au cours de laquelle Nkrumah donne une orientation libérale à son pays. Il ne remet pas en cause son appartenance au Commonwealth et à la zone de la livre sterling, mais surtout, adoptant une politique économique qui s'appuie sur le capital privé étranger. Nkrumah conforte les intérêts de l'ancienne puissance coloniale. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de marxistes parmi ses proches conseillers. Quels sont alors les atouts économiques du Ghana ? Ils ne sont pas négligeables. D'abord, le niveau de revenu par habitant est le plus élevé de l'Afrique subsaharienne. Ensuite, le Ghana est le premier producteur mondial de cacao. Et puis, je crois vous l'avoir dit, il dispose d'importantes ressources en minerais et en particulier d'or. Enfin, à l'heure de son indépendance, il possède un stock de devises étrangères. Mais il y a tout de même un point noir. Ouais, j'imagine la monoproduction agricole de cacao. Qui rend donc le Ghana dépendant entièrement du marché mondial. Et cela, c'est très préoccupant. On le constate, dès 1961, les cours du cacao baissent soudain. Et ça explique en partie pourquoi Nkrumah va imposer à ce pays un virage brutal. Ouais, c'est-à-dire D'un seul coup, sur les plans économiques et idéologiques, tout change. Et bien sûr, ça s'accompagne d'une orientation franchement autoritaire. En réalité, on le constatera progressivement, ça se traduira par une véritable fuite en avant. Et dans le détail ? D'abord, c'est la rupture avec le Commonwealth. Le Ghana devient une république et cesse d'être un dominion de la couronne britannique. Ensuite, Nkrumah entend changer de modèle économique. Ah, c'est le marxiste qui se réveille, alors. Oui, l'économie s'inspirera désormais de principes socialistes. Ouais, mais ce sont des mots, et dans les faits. Pour ne plus dépendre des seules exportations de cacao, Nkrumah veut diversifier la production, poser les fondations d'une industrie lourde et réduire la dépendance alimentaire à l'étranger. Cependant, pour réussir, il faut prendre des mesures drastiques. À commencer par un programme d'austérité et la levée d'un emprunt obligatoire sous forme d'un prélèvement de 5% sur les salaires, afin de renflouer les caisses de l'État. Ah, et ça doit avoir du mal à passer. Hein. C'est évident et c'est grave, car le pouvoir se coupe ainsi de sa base ouvrière et paysanne. Ça inquiétait son socle électoral. Oui, et les protestations sont d'autant plus vives que dans le même temps, la petite bourgeoisie éduquée s'enrichit et accède aux marges du pouvoir en prenant le contrôle du parti. Les conséquences sont prévisibles. Clientélisme, népotisme gagnent du terrain. Et aussi le mécontentement des classes populaires. Hein. Bien entendu. Pour protester contre ce plan d'austérité, dockers, cheminots et mineurs décrètent une grève générale. Et c'est là le véritable tournant du régime. La répression est brutale et 17 syndicalistes sont emprisonnés pour subversion. Est-ce que, pour autant, Nkrumah infléchit sa politique ? Non. En 1964, il ordonne un ambitieux plan septennal de développement qui comporte une importante politique d'investissement public. De grands projets sont lancés, par exemple la construction d'un barrage sur la Volta pour produire de l'électricité à bas prix et soutenir les nouvelles industries, mais aussi un port en eau profonde à l'est d'Accra. L'objectif est de transformer sur place le minerai de bauxite et d'exporter l'aluminium produit dans la zone soviétique. Bah, tout cela va plutôt dans le bon sens, non ? Apparemment, oui. Mais Nkrumah n'a pas les moyens de son ambition. Et au total, cette politique audacieuse se révèle inefficace. Car en outre, il prend des initiatives qui ne sont guère appréciées par les marchés financiers et les grandes institutions internationales. Ainsi, en 1965, il ordonne la sortie de la zone sterling et donc la création d'une monnaie nationale, le cedi. Était-il conscient alors qu'il s'attirerait ainsi nombre de réactions hostiles ? Tout à fait. Il l'a même écrit, je résume. Il parlait alors de la nature du néocolonialisme et il soutenait qu'un État indépendant, donc théoriquement doté de tous les attributs de la souveraineté, était en réalité dirigé de l'extérieur par les ex-puissances colonisatrices. Et comment l'expliquait-il alors ? Il écrivait que ces puissances n'avaient plus intérêt à gouverner le pays du dedans, mais à substituer à une domination visible, une domination invisible, celle des grands groupes financiers. Et il considérait que même un changement de gouvernement, voire de régime, ne modifierait pas la situation. Ben, c'est une analyse lucide. Mais que Nkrumah échouera à mettre en pratique. Et c'est à dessein que je vous parlais de fuite en avant. On a l'impression que ce dirigeant intelligent et charismatique perd le sens des réalités. Et comme il sent que la situation lui échappe, il est porté à durcir le ton. Et à devenir de plus en plus autoritaire. Mais, alors, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas une pente naturelle chez ces dirigeants du tiers-monde confrontés à l'exercice du pouvoir dans des conditions difficiles ? Sans doute. C'est d'autant plus vrai que Nkrumah est essentiellement omnubilé par son projet d'unité continentale. Un rêve inédit et révolutionnaire. Et justement, il voudrait que son pays soit un modèle. Qu'on pourrait ensuite appliquer au reste de l'Afrique ? Oui. C'est pourquoi, et ce n'est qu'un exemple, il en vient à nier les divergences sociales. Ah, il veut la parfaite égalité. Complètement fictive. Mais il faut feindre d'être unis autour d'un projet commun. En tout cas, il devient de plus en plus dangereux de critiquer le président. Car à la différence de nombreux tyrans africains ou autres, il n'ordonne pas la mort de ses adversaires politiques. Mais il les écarte, sans ménagement. C'est ainsi qu'il procède avec ses propres amis, son parti, le CPP. Les jugeant trop bruyants et même embourgeoisés, il les oblige à démissionner ou encore à s'exiler. Et en même temps, l'orientation socialiste devient de plus en plus évidente. C'est certain. Nkrumah fonde un institut idéologique à Winba, une petite ville côtière à l'ouest d'Accra. Cette institution doit former des militants et des cadres socialistes. Dans le même esprit, il purge une partie de son armée et renforce les pouvoirs du Bureau des Forces Armées, un service créé pour former idéologiquement les militaires. Puis il crée un nouveau journal, The Spark, l'étincelle en français. Ah, je vois, c'est une référence au journal de Lénine. Hein. L'Iskra, oui. Ouais. Une appellation donc symbolique. Qui traduit bien l'évolution politique du leader ghanéen. D'ailleurs, à Accra, on commence à voir affluer des militants communistes issus du monde entier. Ce qui montre aussi l'ascendant exercé par Nkrumah à l'extérieur de son pays. C'est juste. Mais si j'ose dire, ça finit par lui monter à la tête. C'est-à-dire On voit se développer au Ghana un authentique culte de la personnalité. Et bien sûr, ça va de pair avec une excessive centralisation du pouvoir autour de la personne de Nkrumah, avec la panoplie habituelle. Un référendum remporté en juin 1964 avec un score soviétique. La transformation du parti gouvernemental en parti unique. Et la décision de Nkrumah de s'auto-proclamer président à vie. Ouais, ça c'est une vraie dérive proche de la paranoïa. Il faut malheureusement le constater, mais ça n'excuse pas tout. Le dirigeant ghanéen a des raisons sérieuses pour s'inquiéter et donc renforcer son pouvoir. Il est en effet victime de plusieurs tentatives d'assassinat. C'était presque inévitable. Et pourquoi ? Parce que le nombre de ses ennemis s'accroît dangereusement, à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays. À l'intérieur, ben ça se comprend, car il y a tous ceux qui critiquent cette évolution despotique du pouvoir, mais à l'extérieur. Nkrumah devient de plus en plus un dirigeant dont il faut se débarrasser. Un mauvais exemple pour le continent africain. Ce dont sont persuadés des présidents africains comme Fouad Boigny, qui sont restés très proches des anciennes puissances coloniales. Ou Fouad, l'homme de la France-Afrique. C'est même lui qui a inventé le mot. Non, pour tous ces hommes, Nkrumah, le panafricaniste, est un gêneur. Imaginez qu'il a même déclaré qu'il était prêt à utiliser toutes les ressources de son pays pour unir et libérer le continent. Ainsi, lorsque le leader blanc et raciste Ian Smith proclame unilatéralement en 1965 l'indépendance de la Rhodésie du Sud, Nkrumah annonce son intention d'envoyer une armée si l'OUA n'intervient pas. L'OUA, c'est l'Organisation de l'Unité Africaine. Que Nkrumah a contribué à créer, oui. Bref. Le Ghanéen devient une menace pour tous les conservateurs. Et dans le climat de guerre froide qui prévaut alors, il est une cible. D'autant que la tricontinentale, dont il est l'un des acteurs aux côtés de Ben Barka, est soupçonnée de rouler pour le camp de l'Est. On a donc tout tenté pour l'abattre. Mais nous verrons cela la semaine prochaine. Et ça me permettra aussi de revenir sur ces nouvelles informations à propos de l'affaire Ben Barka. Des livres pour finir, Africa Unite, une histoire du panafricanisme d'Hamzat Boukhari Yamara, et un chapitre sur Nkrumah dans Figure de la révolution africaine de Kenyatta à Sankara de Saïd Bouamama. Et puis je vous signale la récente parution du grand livre des espions, une série de romans vrais sur quelques-uns d'entre eux parmi les plus remarquables. Un ouvrage coédité par France Inter et signé par votre serviteur. Stéphane Rouxin a préparé cette émission, mise en musique par Monsieur Djoub et préparée, comme d'habitude, par Rebecca Denande sur franceinter.fr. Vous pouvez nous écrire. À samedi prochain.